Le Big Boss, Kessi Asamawe, Colonel Tshisekedi, Yannick Kayenga, Edo Musamba l'intouchable ayant droit, Naomi Nzanga Kuchi, Serge Boula, Congo tout global, Yenanga Chabani Record, Africa Movie, Top Congo FM, Yenanga Christian Lusakweno, Malela de London. Atana suiba de Suzana Gaya Kimo Balie et Talele Nayoe déclenchaka ba phrase décisive Nangaï. Slow stop, movie song. Monte mes os réclamata moli tabisia bolingo. Degarisha senga kamabolazali tangamayi mon frère. Nanyango kokyo sale langata ate soucié. Pona batami yango na sima ngoma bise mon retour. Eric Nice, Micho, Yametiola. Lo sambo nangai, epaya nzambe lo bisoki na kufi ngai. Na sala reincarnation na nsonga ta bebe na yo. Pona rekipere ba affection na ba tendresse. Pona rataki tango na salaki. Epana bolingo nangai, motema nangai. Ozali nyonso nangai, molimo nangai, mabanzo nangai yo. Nazala ki na espoir ki jamo komo yanga lokola finaliste adeshiraka in forme na bula kosonga lisusu te na ble blanc binzo komaki deja papillon moya okatya mapapuma na kotingama yo na kolandalando na kotingama yo lokola le atingama Jacob na kodiela na ngayo Cedric Nyakovic Strong the King movie. Na sanza misato balakisaka mwana ndenge nini akovanda. Atako nyokoma na ye kasi exercice wana ekosunga ye. Bonga na bana na motema na yo esengelile na sala nini na bolingo. Hey. Emilia Sarajevo. Chéri Poussana pembeni na ngai nexibe yo ba sentima ya lamu. Ingénieur Kelly. Na mituna kasoki nzamba sale na magie nini osoki na moni yo de loin soto na nga mobimbo efrisonaka lokola moto attrape coup de froid nenete movison Fanta Fofana caresse na yo ekomisaka ngai superman spirituel nakomaka na tendresse ya bilengi salamatation pesanga interogenéral ya bolingo na yo atombo ouvert mpona rekipere ba retard na bapoe ya sentiment na kaye de komta bolingo na yo parto bandela chapitre pa anglais mpana ba anglais ferme nakosata te facile mapoe sa métier na nga moviso Guilema Vakala, Yago de Mbembe Bebe Besa Nana Bebe Kabila na. Visa Mboka ya Bilengi na yue Prise en charge na ngana Mbeto eza l'assuré Na kende kofana na sentiment na sécurité na ye Christian Ingani, l'homme Kovo Masola Kama Sutra Jinek Mabosso Igeta Ingele Sylvie Ingele Igor Pianae Kaska Sereka Poison Ladi Galvana Iska Alenzo Martens Masinda Soki moto boso toa kotipana binwa sengyo mai Kopi mela ye toko mona poye mwana nzambe Na mako mame koma mana bibla koya neti moi Boko bambali panga na sima Mon bebe poko retrete Bako efase kombono na lista bato bako kene na lulai Boko bule mai nzala ki mobali avini yo. Regen Tsisi Ange Gabriela kotielo chameli toye paya nzambe Batile la kiobo lingondenge nino kwa kaki amwe. Zuli zule ma lumière Trocadero Patrice Lumumba kufaka martiria ekolo lelo mana so kufaka kotele mapona bolingo na yoe. Ingénieur Papi Pelbe Jazz musique Kuba. Laissez tomber Manzela nyoso yo kenae. Ça va ne moitié. Tika tika tika tika s'il vous plaît pardon pour sa nanaï. Bienvenue Mambote. Pardon, pardon, pardon, pardon Manzela nyoso yo yamabe. Charles Kabula mi de star Daniel Lenga Lenga Bébé Anne. Oyo lo vina bien na salelo nini. Oyo lo vina bien na lambelo nini. Mbika na shawarma nini ele kiki toko. Nena mabosa nelenga buda na katia sandwiche o. O kamata sante mayo pisa na bana konkere. Kanisa bulamu nengai. Kanisa bulamu ya le padre. Kanisa bulamu ya feregola. Ah, Corona Oyo, eh? Maître Fabrice Miyebe. Oh, Kamata Sante Mayo, Salamana Kokere, Kanisa Bolamouya, Toto Chibula. Lita. Accord et paix et patience. Chérie, c'est la saucisson à lui, ça l'a chauffé. Bon, mon yamou yamou. Yako dinda na tremble à bilen inangai. Tino se fayette. On a soir et là yako plongé redi. Na piscine ya bilengi non mon bébé. Comme ça na sindako sauve to jenanga de te mine. Jeune talent congolais. Comme elle a lettre à divorce. Na écriture chinoise. Pato pa monango plaisanterie. Na profite la bonelo. Et ça te plaisanterie. Chipuki. Hérité Sangol. Comme elle a lettre à divorce. Na écriture chinoise, bato pa monango plaisanterie. Na profite la bonelo, et ça te plaisanterie, chipuki. Elias, na kabinda. Neli bome iti kosala po monana. L'international, Serge Ibaka Mafusi. Papi tombala ti kosala po monana. Na banza ko za vio, pokita kabina aéroport. Soko zana ayo eliko terwa teri sakana yo partoue. Romika, top model. Brunel T plus Lito Castro d'Angola. Francimba Laza Bolo. Ale finili tiko sala po ngonema. Dido vi tiko sala vi ya ipie. Perika balai tiko sala po ngonema. Mississippi, Annette Fataki, Siki Mwanza, Gessi Asamawaye, Maître Moussa Mangi, Papi Seben. Carpentier, Tiko Salabongonana, Nabazakaza, Fio, Kitakabena, Aéroport. Picasso Mbayabo, Trésor Congolo, Achamo Photo, Marc Mubalama, Remarquable. Le vieux Nangai Joss au Mondele Amédé Mackenzie Denis Bidance Godefroy Mbembe Ingénieur Guilhem Kassa. Comme elle a lettre à divorce. Na écriture chinoise. Bato pa monango plaisanterie. Na profite la bonelo. Et ça te plaisanterie. Chipuki Rode Emeraude Lompala. Kode Kimani Tiko Salabo Gonana. Blaise Gaetano Magui La Verte. Jos Mundele Tiko Salabo Gonana. Papa na Franck Michel. Maître Amina Mokonzi. Emena Kamalandwe. Hervé Lupembe. Blaise Nzinga Nzingalo. Doudou Kamalandwa. Kertis Minar Tiko Salabo Gonana. Matiki over, tiko salabo, mona ngai. na banza koza avion kita kape na aéroport soko sana hélicoptère atterri sakana yo partout merci mawaba opérateur économique chez komabele mame Ingrid Kabongo Patrick Kivuila Neribo Mei Soka Zalaki Yansente Mwanangani Mwana Batwe Voice of Congo Toussaint Bumbali Soye Mobali Yala Genevia Nalile Yokani Aris Tsambo Marcel Tisserand Saint-Marc Tabou Ma tengo te consala bonona na basa cosa yo kita capena ero po so cosa na pelico te wate sacan na io patue merci confinement ça c'est pour vous à la maison pour vous faire plaisir de ma part merci